Faces, sounds, and favors, all and now on you and I.

I will live again, deliver myself from waiting in stealth. I will rise again, meet you alive on the other side. I am freedom. I am freedom. I will free them. You couldn't ask for anything. I am freedom. You couldn't ask for anything. I am freedom. Le groupe américain Fido. Ça, c'est vraiment bon. C'est un choix musical de Bruno. Bruno Côté à l'animation et Marc Chaunet qui vient tout, à la mise en onde, c'est ça? Oui, oui, c'est moi qui viens d'arriver pour l'animation. Il me regarde, il fait « Hey! » Et oui, qui vient tout juste de se joindre à l'émission. Donc, en ce 7 février, froid du carnaval. Donc, c'était l'excellent, comme je le disais, Fido. C'est... la pièce Chupacabras. Et bon, juste avant, il y avait eu Glass, c'est ça? Oui? Oui, c'est ça. Il y avait eu Glass, tiré de Spectrum Principle. Il y avait eu la Periferia del Mundo de Prague Exhibition et Anima Mundi de Jagannath Orbit. We Are the Light, ça avait débuté l'émission. On y va maintenant avec, pour terminer le premier bloc, la première heure, avec Odysseus. C'est un groupe des Pays-Bas tiré de l'album Silence, la pièce Chinese Waters. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents du Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Du 4 au 28 février, c'est la 16e édition du Mois Mudi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 25 journées de festivités. Concerts télématiques, théâtre d'objets, univers immersif, œuvres cinétiques, objets robotiques, théâtre technologique et dispositifs interactifs seront au rendez-vous. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 4 au 28 février, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. moismulti.org. Et de retour avec Bruno et Marc pour l'émission Terra Incognita. Alors, on avait le groupe Odysseus juste avant la pause tirée de l'album Silence. Alors, on poursuit pour un bloc, donc, un bloc qui débute en Italie avec Arek Names, tiré de leur excellent album Love Hate A Round Trip. La pièce La Chambre, ça sera suivi d'un groupe des Pays-Bas, The Reasoning, avec tiré de l'album Awakening, la pièce Fallen Angels, et on terminera avec Introitus. C'est un groupe de Scandinave, il me semble, tiré de Elements, la pièce Dreamscape. Alors, tout de suite en musique, avec un choix préparé par Bruno, et on vous rappelle aussi que côté spectacle, le 26 février, donc dans deux semaines, Neil Morse Band avec Mystery de Montréal en spectacle à l'Impérial. On vous parlera d'autres spectacles, également la convention Terra Incognita, évidemment. Les billets sont en vente les 16 et 17 mai prochains. Il y a au mois d'avril, 11 avril, IQ, également à l'Impérial. Il y a également donc Neil... Le Neil Morse, c'est le 26, c'est ça, dans deux semaines. En tout cas, on y va tout de suite en musique, il me fait signe, Bruno, avec Arek Names, The Reasoning, Introitus, et on vous revient. days away, alone, myself and I and me. I watch the news a while, the sound is putting me to sleep. gasping for air, trying to see. My sword has run him through. He is the beast, my love and hate. He says with fading voice, you did. We'll be right back. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Kitkuna présente le spectacle Le Voyage d'hiver, les 18 et 19 février au Grand Théâtre de Québec. Je traîne mon âme dans le calcium et crie aux gens que je suis mort. Des textes de Kitkuna sur la musique du Winterreise de Franz Schubert, avec 11 musiciens et danseurs dans une mise en scène d'Antoine Laprise. Je file dans l'hiver qui me guide de ville en ville. Billets disponibles sur kitkuna.com. Alors, de retour avec Bruno et Marc pour l'émission Terra Incognita. On a entendu juste avant la pause, c'était un extrait de la pièce Hope de Glass, tirée de Spectrum Principle. On en avait fait jouer aussi une autre pièce de Glass dans le premier bloc, Spectrum Principle. Donc, c'est des États-Unis. C'est un de leurs meilleurs albums. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment intéressants. Un groupe instrumental. Juste avant, Introitus de la Suède, tiré de Elements, c'est leur second. Ils en ont sorti un l'an dernier. Celui-là était paru en 2011. Elements, excellent. La pièce Dreamscape, il y avait eu The Reasoning avant, tiré de Awakening. La pièce Fallen Angels et Arachnames de l'Italie, Love Hate Round Trip. Alors, de l'excellente musique, Bruno, il nous fait toujours des super sélections musicales. D'ailleurs, dans le prochain bloc, il y a une découverte pour moi. Ça va débuter avec Willow Glass. Eux, je les connais. De l'Angleterre, tiré de leur plus récent album, leur troisième, The Dream Arbor. La pièce House of Cards. Et ensuite, ce que je découvre, Fonia. Ils ont fait paraître au moins 6 ou 7 albums des États-Unis, les frères Fournier, deux frères qui. Donc, un groupe à connaître, Fonia, F-O-N-Y-K, tiré de Upper Level Open Space. On aura Star Days of the Summit. Et on terminera l'émission avec Nick Turner, tiré de Space Gypsy. Question spectacle, je vous en parlais tantôt. Donc, février, faut y aller par mois parce qu'il y en a tellement qui s'en vient. Février, donc, 26, Neil Morse avec Mystery à l'Impérial de Québec. Ensuite, au mois d'avril, il y a le 11 avril, IQ à l'Impérial. Et ensuite, le 26 avril, c'est Aiken avec Spock's Beard. Alors, ça aussi à l'Impérial. Ensuite, en avril, deux journées de spectacle, la Convention Terra Incognita, donc les 16 et 17. Le 15, il y a Magma de la France. Les billets sont pas encore en vente au Théâtre Petit Champlain. Ça, c'est pour les aventureux un peu. Ensuite, dans la Terra Incognita, la Convention, il y a les Elephants of Scotland qui débutent la journée. Il y a également Anton Roulard, le guitariste, qui sera là. Ensuite de ça, on aura le retour d'Anecdoten, donc de la Suède. Anecdoten, le 16 mai, au Centre d'art La Chapelle. Le 17 mai, il y aura Il Castello di Atlante. Il y aura Kaipa da Capo, voilà, Kaipa, donc de la Suède également, le dimanche, donc le 17 mai, et il y aura également Frog Café. Alors, ensuite, au mois de juin, fin juin, 29, Steven Wilson à Québec, à l'Impérial de Québec. Alors, on y va tout de suite en musique pour la dernière demi-heure avec Willow Glass, Fonia et Nick Turner. We'll be right back. cursing the poles. Hamlet's mill predicts recession of the equinox. The fifth sun ends and the sixth one begins. Wrong count predicts of the new ice age. As we travel on the fifth dimension, through time and space, from Arcturus 10. Alors, c'est sur la musique de Nick Turner, tirée de Space Gypsy, que se termine l'émission Terra Incognita en ce 7 février 2015. C'était Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical.